إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله إن من الصفات المذمومة التي جاءت الشريعة بالنهي عنها صفة العجلة صفة العجلة وعدم التروي في المواقف وأخذ القرارات. يقول الله جل وعلا في كتابه العزيز: خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. وقال جل جلاله: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ففي هاتين الآيتين وصف الله الإنسان بأن فيه عجلة في أموره وتسرعا في أحواله، وما كان ذلك إلا لقصور في علمه وقلة إدراكه في عواقب الأمور. وهذا فيه تنبيه للإنسان بأن يتحلى بالصبر والأناة ويكبح جماح النفس المائلة إلى العجلة في الأحوال كلها. عباد الله، ولما كانت العجلة مذمومة نهى الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عنها، فقال له: لا تحرك به لسانك لتعجل به. وقال الله له أيضا سبحانه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من أسرع الناس استجابة لربه، فالتزم بهذا التوجيه المبارك، فلم يكن يستعجل بل كان يتأنى ويصبر. وإلى هذا أرشد أمته، فقال صلى الله عليه وسلم: التأني من الله والعجلة من الشيطان. التأني من الله والعجلة من الشيطان. رواه أبو يعلى وصححه الألباني رحمه الله. وقال أيضا: من حرم الرفق حرم الخير، أو من يحرم الرفق يحرم الخير. رواه مسلم. فالرفق في الأمور كلها مصلحة للعبد في دينه ودنياه، فيدرك برفقه وحكمته وأناته ما لا يدركه في طيشه وعجلته وتسرعه. عباد الله، كم يفوت العبد على نفسه بسبب العجلة والطيش من الخير، بل كم يعود عليه من الضرر بسبب العجلة والطيش. قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: لا يزال الرجل يجني من ثمرة العجلة الندامة. وقال ابن القيم: لا حكمة لجاهل ولا طائش ولا عجول. وقال أبو حاتم البستي رحمه الله: إن العجل يقول قبل أن يعلم ويجيب قبل أن يفهم ويحمد قبل أن يجرب ويضم بعدما يحمد والعجل تصحبه الندامة وتعتزله السلامة وكانت العرب تسميها أم الندامات. عباد الله، ومن الأمثلة على العجلة المذمومة الاستعجال بالدعاء على الأهل والمال والولد عند الغضب. قال تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. روى مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. ولعل كثيرا مما نرى من المصائب والأمراض وفساد الأولاد يكون بسبب الدعاء عليهم، وكثير من الناس لا يشعر بذلك. ومنها استعجال المرء إجابة دعائه. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول: قد دعوت ربي فلم يستجب لي. ومنها استعجال بعض المصلين في صلاتهم، فلا يتمون ركوعها ولا سجودها ولا يطمئنون فيها. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا صلى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي 3 مرات. في كل مرة يقول له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم قال له: إذا قمت إلى الصلاة فأصبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. الحديث. ومنها أي من العجلة المذمومة أننا نرى كثيرا من الناس يندمون حين لا ينفعهم الندم بسبب استعجالهم في أمور كان عليهم أن يتأنوا فيها. فمن ذلك أنه لأقل أسباب يطلق الرجل زوجته لمجرد جدال وخصام بسيط يحصل في كل بيت، أو لتقصيرها في بعض الأمور لظروف اكتنفتها مما تنتكف مثل يعني مثيلاتها من النساء، فيهدم بيته ويفرق أسرته دون ترو أو أنات أو الصبر عليها، لتجاهله لجبلة المرأة المقررة شرعا والمعروفة طبعا، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. ولا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها خلقا آخر. ومنها العجلة في الحلف، فقد يحصل بين الرجل وزوجته أو أخيه أو صديقه وغيرهم بعض المواقف، فتأتيه العجلة فيحلف: والله لأفعلن كذا، أو والله لتفعلن كذا بلا شعور ولا ترون، ثم يتبين له أنه قد استعجل في اليمين ولم يصب حينما حلف، فيقع بين أمرين، إما أن يمضي في يمينه وإما أن يكفر عنها ويأتي الذي هو خير منها، وهذا الأخير هو الذي يتعين في حقه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: وإني والله إن شاء الله لأحلف على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، رواه مسلم. ومنها العجلة في قيادة السيارات، فكم نرى ونشاهد ونسمع من الحوادث المروعة التي كانت سببا لإزهاق نفوس كثيرة وأمراض خطيرة وعاهات مزمنة، وما كان ذلك إلا بسبب العجلة عند قيادة السيارات. ومنها أن يستبطئ الإنسان الرزق فيستعجل، فيطلبه من طرق محرمة ووجوه غير مشروعة. قال صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي، أي في قلبي، أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته، رواه أبو نعيم وصححه الألباني رحمه الله. ومنها العجلة في نقل الأخبار، فتجد بعض الناس هداهم الله يشيع كل ما يصل إلى أذنيه من غير تثبت، أهو حق أم باطل، أصدق أم كذب، مجرد خبر يسمعه لا يستطيع أن يكتمه، بل لا بد أن يشيعه وينشره، ولو كان هذا الخبر محض افتراء. وقد قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، فمن حدث بكل ما سمع فقد يتهم بالكذب ويوصف به وهو لم يقصد فعله، ولكن عجلته في إشاعة الأخبار من غير تثبت أو أوجبت له أن يوصف بتلك الصفة الخاطئة، وهذا لا يليق بالمؤمن. قال جل وعلا للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ومن العجلة المذمومة الحكم على الأشخاص وإصدار الأحكام على فلان وفلان بأن فلان فاسق أو بأنه كافر أو بأنه عاهر زان أو أنه كذاب أو أنه ذو رأي مخالف للشرع ونحو ذلك مما يستعجل فيه البعض من غير خوف من الله وورع وتبين. فاتقوا الله عباد الله، وعليكم بالتؤدى أو بالتؤدة والتأني، تفلحوا إذا فعلتم، وإياكم والعجلة فتندموا. قال الله تعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Serviteur d'Allah, parmi les caractéristiques blâmables que Allah subhanahu wa ta'ala a interdites, il y a la caractéristique ou le fait que quelqu'un soit trop pressé ou se hâte trop de faire des choses. Il se hâte et il se précipite dans ses paroles et dans ses actions sans réfléchir et sans prendre le temps de penser avant d'agir ou de penser avant de parler. Et cette caractéristique-là, elle est très mauvaise. Qu'est-ce qu'on appelle en arabe al-ajala, le fait de se précipiter, hein, d'être trop pressé. Et Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé cette caractéristique-là dans le Coran. Et il mentionne que ça fait même partie de la nature de l'être humain d'être pressé. L'être humain, il est pressé. Hein? Et ça, c'est très mauvais. Et il y a beaucoup de caractéristiques ou beaucoup d'erreurs qui se produisent de la part de certaines personnes qui ont cette caractéristique-là. Et cette chose peut arriver à n'importe qui d'entre nous, mais c'est quelque chose qu'il faut gérer. Et il faut retourner justement aux enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala et de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le but de se guérir de ce genre de mauvais comportement. Allah subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs versets, il ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire preuve de patience, de sabr. Et il mentionne même au prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas se précipiter même dans la récitation du Coran lorsque le Coran lui est révélé. لا تحرك به لسانك لتعجل به. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le plus rapide et le premier à mettre en application et à exécuter les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith at-ta'anni min Allah, le fait de se poser et de prendre son temps avant d'agir, avant de parler, ça vient d'Allah. Wal 'ajalatu min ash-shaytan. Et la précipitation, le fait de se hâter et d'être trop pressé, ça vient du shaitan. Et beaucoup de décisions qui sont prises à la hâte, et des actions qui sont faites à la hâte, et des paroles qui sont prononcées à la hâte, eh bien, elles terminent par des remords et des regrets. Et parmi les exemples de ça, l'exemple de certaines de ces manifestations-là, le fait que quelqu'un fasse des invocations contre des membres de sa famille. Donc, quelqu'un, par exemple, s'il est en colère contre son enfant ou contre ses proches, il fait des du'as contre eux. Et il demande à Allah de les maudire ou des choses de ce genre. Ça, c'est pas permis. Et peut-être que il fait ce du'as et Allah l'exauce à ce moment. Et à cause de ça, ses proches, ses parents, ses enfants sont touchés de maladies ou de malheurs à cause de ça. Parmi les exemples que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné à ce sujet-là, il a dit « Ne faites pas des invocations contre vous-même et ne faites pas des invocations contre vos enfants et ne faites pas des invocations contre vos biens. » Pour éviter que justement cette invocation-là coïncide à quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné et que la personne soit exaucée dans ce qu'il a demandé. Parmi les manifestations de ça, lorsque quelqu'un fait des du'as, il demande quelque chose à Allah, mais quand Allah subhanahu wa ta'ala ne lui a pas donné ce qu'il a demandé tout de suite, il se hâte, il perd patience et il dit j'ai invoqué Allah et il ne m'a pas exaucé. Donc il faut être patient. Lorsqu'on demande quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala, de ne pas se précipiter à vouloir la réponse de cette invocation-là et de ce dua. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Et il sait mieux que nous ce qui est mauvais pour nous. Alors il faut avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être que des fois, tu espères quelque chose et tu penses que quelque chose est un bien pour toi alors que c'est un mal. Ou le contraire, tu penses que quelque chose est un mal pour toi alors que c'est un bien. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. Donc peut-être que vous aimez quelque chose alors que c'est un mal pour vous. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Allah sait et vous ne savez pas. Également, parmi les manifestations de cette hâte excessive, le fait de se précipiter dans la salat. Et quelqu'un qui prie tellement rapidement qu'il ne donne pas à chaque mouvement dans sa prière le temps qui lui est dû. Et donc il ne fait pas son qiyam assez correctement, il ne fait pas son recours correctement, il ne fait pas son sujoud correctement. Et il fait la course pour se dépêcher à terminer sa prière le plus rapidement possible. Et ça, c'est quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit. Également, parmi les manifestations de ça, lorsque quelqu'un, par exemple, il a une dispute ou un désaccord avec son épouse, et pour la moindre dispute, le moindre désaccord, il se précipite et il divorce sa femme, ou il prononce le divorce. Et après, il va pleurer, et il va demander à un savant parmi les ulama, est-ce que je peux la reprendre? Est-ce que c'est correct? Alors que peut-être qu'il l'a divorcé 3 fois. Et après, il pleure parce qu'il a regretté pourquoi je l'ai divorcé. Mais s'il avait pris son temps de réfléchir et de penser avant d'agir, et qu'il avait pris le temps de contrôler sa langue et de ne pas se précipiter à prononcer cette parole, eh bien, il n'aurait pas de ce genre de remords. Et la femme est créée d'une côte, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Et la plus courbée de ces côtes, c'est celle qui est plus haute. Donc, si tu essaies de la redresser, tu vas la casser. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a ordonné d'être patient avec les femmes et de ne pas se précipiter à les divorcer. Parmi les choses qui se manifestent dans le fait de se précipiter, c'est le fait de jurer et de faire des serments. Lorsqu'on discute avec des gens, soit avec notre épouse ou avec nos proches, nos amis, et tu dis par Allah, wallahi, tu vas pas faire ça, ou wallahi, je vais faire ça, parce que peut-être à cause de l'orgueil ou à cause de la colère ou pour d'autres raisons. Et puis après, la personne, elle est prise devant deux possibilités ou deux choix, soit qu'il reste dans son serment, ou soit qu'il fait l'expiation pour ce serment-là, al-kafara, il va devoir jeûner 3 jours pour expier son serment. Donc pourquoi tu te mets dans cette situation-là et tu te précipites à faire des serments? Après, tu regrettes. Parmi les exemples de dangers qui sont reliés justement à avoir de la hâte et de se précipiter de façon excessive, c'est lorsque quelqu'un, il se dépêche trop ou il se précipite trop dans la façon dont il conduit sa voiture. Et il va même rouler à des vitesses excessives et même parfois dépasser les limites de vitesse et causer des accidents, blesser des gens, tuer même parfois quelqu'un ou rendre quelqu'un handicapé à vie parce que il n'a pas pris son temps lorsqu'il conduisait sa voiture. Donc ça, c'est parmi les choses dangereuses à ce sujet. Et également, dans la quête de la subsistance et le risque, que quelqu'un dit, ou que quelqu'un pense que son risque, il ne vient pas assez rapidement pour lui. Il veut que son risque soit plus rapide, alors il se précipite. Et il tombe dans des moyens haram pour obtenir le risque. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a écrit pour chacun d'entre nous son risque. Et il n'y a rien qui va lui manquer de ce que Allah lui a écrit. Et donc, qu'il cherche son risque que dans ce qui est halal. Parmi les exemples de ça, le fait de se précipiter à propager des informations et des nouvelles qui peuvent parfois être mensongères et fausses. Et ça, surtout à notre époque, ce que les gens appellent aujourd'hui des fake news, hein, ou bien des fois ça peut être des informations à propos de, d'une personne ou à propos de d'un groupe de personnes ou des gens. Et il y en a aussitôt qu'ils reçoivent une information sur leur téléphone ou par WhatsApp ou par n'importe quel autre moyen, aussitôt ils rediffusent et ils envoient ça à tout le monde. Puis après, il apprend que cette information n'est pas vraie, alors il est obligé de se rétracter et de se corriger et de dire à tous ceux à qui il avait envoyé l'information, je regrette, je m'excuse, je vous ai transféré cette information, je vous ai diffusé cette information, mais finalement j'ai compris qu'elle était fausse, donc pardonnez-moi. Mais s'il s'était, calmé et qu'il avait pris le temps de réfléchir avant de la diffuser, pour vérifier son authenticité et savoir si l'information était vraie ou non, il n'aurait pas eu à faire face à toutes ces difficultés et ces problèmes-là. Également, parmi les exemples de ça, et Inch'Allah, ce sera le dernier exemple, lorsque des gens se précipitent à essayer d'appliquer des règles sur des individus et de traiter un tel de kafir ou un tel de fasiq, ou un tel de zani, ou un tel de ahir, il fait le qadf, il accuse quelqu'un d'avoir fait le zina. Et vous savez que dans l'islam, ça c'est un très grave péché parmi les kaba'ir, et que si quelqu'un accuse une personne de zina et qu'il n'a pas ramené 4 témoins, c'est lui qui va être puni dans la sharia d'Allah. 80 coups de fouet pour celui qui accuse quelqu'un d'avoir fait le zina sans ramener 4 témoins. Mais pourtant, à notre époque, l'honneur, elle est devenue gratuite. Et les gens ne se limitent pas et ne s'arrêtent pas d'accuser les autres de péché et de toutes sortes de choses sans preuve, et de diffamer les autres et de les accuser injustement et sans preuve. Donc c'est quelque chose d'extrêmement grave. Et donc il ne faut pas se précipiter. Peut-être que si la personne avait pris son temps pour se réfléchir et contrôler sa langue et savoir qu'est-ce qu'il dit, il n'aurait pas mis sa personne dans cette situation où maintenant il devient un pécheur parce qu'il a accusé les autres sans preuve d'avoir commis un péché et il n'a pas produit les 4 témoins nécessaires. Et quand on dit 4 témoins, les ulama ont dit, c'est pas seulement des personnes qui étaient présentes, il faut qu'ils aient vu l'acte explicitement. Comme les ulama, ils ont dit, kalmin fil makhala. C'est comme ça qu'ils l'ont illustré dans les livres de fiqh. Comme la tige qu'on utilise pour mettre le kohl sur les yeux, lorsqu'on le met dans son récipient. Il faut que tu vois l'acte explicitement. Si tu l'as pas, si les 4 témoins ne l'ont pas vu explicitement, on ne peut pas appliquer la peine sur la personne. Et celui qui accuse cette personne, il est accusé d'avoir fait le qadf. Et il aura la peine à cause de ça. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. وأذل الشرك والمشركين. ودمر أعداء الدين. وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم.